L'affaire du coffret. 41e. لم يكن لدي شك سوى في شخصين، جون بيير وغوني. حسنا، يوم السرقة الجمعة في 8/2. كيف يمكن أن تسرق العلبة؟ لأستمع. Vendredi 8 novembre, ma conférence à l'Hôtel des Arts. C'est magnifique. Ah, bonjour Lucas. Où est le coffret? Vous travaillez pour quel journal? Regardez ce coffret de George Sand, aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique. Voici la bague avec les initiales de George Sand et Alfred de Musset. AMGS. كان يوم المؤتمر الصحفي لناديا عن علبة مجوهرات جورج ساند. Regardez ce coffret de George Sand aujourd'hui à l'Hôtel des Arts et bientôt au Musée de la vie romantique. ناديا تعرف بالمتحف الذي سيعلن اقتنائه للعلبة. Voici la bague avec les initiales de George Sand et Alfred de Musset. AMGS. لكن لحظة، voici يعني ها هي. إذن المونتخ هي تظهر العلبة والخاتم، ولكن هل أخرجت العلبة حقيقة من مكان عرضها أم كانت مجرد صورة؟ يجب أن أرى إتيان. سأتجه فورا إلى الأوتيل ديزاغ. Bonjour. Luca Murad. Etienne Favre est là? Non, il n'est pas encore arrivé. D'accord. Pardon, monsieur. Le 8 novembre, le vol... Je n'ai pas travaillé ce jour-là. Vous êtes de la police ou quoi? Non, je suis journaliste. Bon, nous avons eu une conférence, le coffret y était, puis quelqu'un a volé le coffret. Voilà. Ah, oui. يبدو أن هذا الموظف قد مل من الإجابة عن أسئلة الصحفيين الكثيرة. تخافي يعني عمل، سجوغ لا يعني في ذلك اليوم، لكن je n'ai pas travaillé. J'ai travaillé. Je n'ai pas travaillé. Il est arrivé. Il n'est pas arrivé. طبعا هذه صيغة النفي، هو لم يكن يعمل في يوم السرقة. Nous avons eu une conférence. Le coffret y était. Le coffret était à la conférence. Le coffret y était. العلبة كانت موجودة فيه. إذن نادية أخرجت العلبة والخاتم فعلا لتظهرهما أمام الصحافة، وبعد ذلك تمت السرقة. Nous avons eu une conférence, le coffret y était, puis quelqu'un a volé le coffret. Voilà. Je n'ai pas travaillé ce jour-là. Vous êtes de la police ou quoi? À suivre.